Selon KBS, les fantoches sud-coréens ont déclaré installer encore l'équipement de radiodiffusion à une dizaine d'endroits à la première ligne du front jusqu'à la fin de l'année pour la guerre psychologique contre la République populaire démocratique de Corée. Ils tentent de doubler le nombre d'équipements de radiodiffusion fixés et de voitures sonorisées sur toute la zone du front pour la guerre psychologique de nature provocatrice en vue d'exacerber extrêmement la situation dans la péninsule coréenne.